إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on continue la méditation de la parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Prenez exemple sur les morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. On a vu dans les deux premiers cours deux fondements immenses parmi les fondements salafis qui sont tirés de ce récit et qui sont l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs et la mise en garde contre les voies nouvelles qui s'opposent à la voie des pieux prédécesseurs. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir un troisième fondement, incha'Allah ta'ala, qui est la mise en garde contre le taqlid. Taqlid qui signifie l'imitation et qui désigne ici l'imitation d'une personne dans la pratique de sa religion. Vous vous rappelez, dans le premier cours, nous avons vu différentes versions de ce récit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi les narrations qui nous sont rapportées, il y a sa parole que nul parmi vous n'imite un homme dans sa religion. Que nul parmi vous n'imite un homme dans sa religion. Si celui-ci croit, il croit aussi. Et si celui-ci m'écroit, il m'écroit aussi. Puis il dit radiyallahu ta'ala anhu, et s'il est inévitable pour vous de prendre un modèle, alors prenez un modèle parmi les morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. Si on médite sur ce récit, on voit que c'est une mise en garde explicite contre l'imitation en religion. Le fait de prendre une personne comme modèle absolu en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une mise en garde contre la sanctification des hommes, c'est-à-dire le fait d'exagérer en élevant un homme au-dessus du rang qu'il mérite, au-dessus de la place qui lui a été accordée. D'autant plus si cette personne est vivante, comme le font certaines personnes qui se fanatisent pour certains chouyours, au point de considérer leurs paroles comme des paroles qui émanent de la révélation, comme des paroles indiscutables, comme des paroles qui ne peuvent pas être réfutées, comme des paroles qui sont exemptes de toute erreur. Il n'y a pas de doute que ceci est une des plus graves formes d'exagération à l'égard d'une personne. Car ceci reviendrait à considérer ses paroles comme les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est contre cela que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, nous met en garde ici. De ne pas imiter une personne en religion, de la suivre dans tous ses avis, de l'élever au-dessus du rang qui lui a été accordé, de ne rien rejeter de ses paroles. D'autant plus si cette personne est vivante. Aujourd'hui, il se peut que tu suives les cours d'un savant, que tu lises ses livres, que tu apprennes de lui la science, les fatawa et ainsi de suite, et qu'il soit sur la sunna, qu'il appelle à la vérité. Toutefois, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. Nul parmi les hommes, parmi les vivants, n'est à l'abri de la fitna. Nul parmi nous n'est à l'abri de l'égarement. Nul parmi nous n'est à l'abri des péchés, nul parmi nous n'est à l'abri des innovations, nul parmi nous n'est à l'abri de la mécréance. Et bien sûr, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la vérité. On multiplie cette invocation que multipliait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » « Oh toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la raison pour laquelle il multipliait cette invocation. Il répondit, les cœurs sont entre deux des doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. Il les retourne comme il veut. Aujourd'hui, un homme peut être sur le bien, sur la piété, sur la sunna, et demain, être sur le mal, sur les péchés, sur l'innovation. Les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Tu dois être conscient de cela. En priorité pour ta personne, en faisant les causes pour ne pas t'égarer, en faisant les causes pour rester ferme sur la vérité, en multipliant l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te raffermisse, qu'il te maintienne sur la vérité, qu'il te maintienne sur la religion, en faisant les causes pour ne pas t'égarer, en t'éloignant du mal, en t'éloignant des péchés, en t'éloignant des causes menant au péché, ainsi de suite. Mais aussi, tu dois être conscient de cela lorsque tu apprends la science d'une personne. Le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, qui qu'il soit. Donc, tu ne dois pas exagérer au sujet des gens de science, au sujet des savants. Penser qu'ils sont infaillibles, penser qu'ils ne font pas d'erreur. Car si tu raisonnes ainsi, et que tu penses qu'ils ne font pas d'erreur et qu'ils ne se trompent pas, et que leurs paroles ne peuvent pas être réfutées, alors s'ils se trompent, demain il se peut que tu les suives. S'ils croient, ils croient aussi, et s'ils mécroient, ils mécroient aussi. Donc ceci est un fondement immense parmi les fondements de notre religion. Le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. Et ceci est un blâme contre l'imitation et une mise en garde contre la sanctification des hommes et l'exagération à leur sujet, et d'autant plus les vivants parmi eux. Si on ne doit pas exagérer au sujet des grands imams de l'islam, et que l'on se doit d'être conscient que parmi leurs paroles, certaines sont acceptées, si elles sont en conformité avec les textes du Coran et de la Sunna, et d'autres sont rejetées, si elles s'opposent aux textes du Coran et de la Sunna. On agit ainsi avec les paroles des grands imams parmi les imams de l'islam des premiers siècles. Alors que dire d'autre que parmi les contemporains? Il n'y a pas de doute que de la même manière, ils peuvent avoir juste ou se tromper. Et s'ils se trompent, alors leurs paroles doivent être rejetées. Et l'imitation, le taqlid, comme l'ont mentionné les gens de science, d'un point de vue de son jugement, il se divise en trois catégories. La première catégorie est le taqlid qui est interdit. La deuxième catégorie est le taqlid qui est obligatoire. Et la troisième catégorie est celui qui est permis sans être obligatoire. Et nous, ce dont on va parler ici, c'est la première sorte de taqlid, celle qui est interdite. Et celle-ci peut se manifester de trois manières. La première est que la personne se détourne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, sans n'y prêter aucune attention, en se contentant de suivre ses ancêtres. Comme certaines personnes qui, lorsque tu souhaites les appeler à la vérité, leur présenter les preuves du Qur'an et de la Sunna concernant une question religieuse, ils refusent d'en entendre parler. Il te dit « Je ne veux rien entendre de cela, moi je fais comme faisait mon père, je fais comme mes grands-parents, je fais comme mes ancêtres. » Et ça, c'est une forme de taqlid qui est interdite. La deuxième manière, c'est qu'une personne en imite une autre sans savoir si cette personne est digne d'être imitée. Et la troisième sorte est l'imitation après que la preuve ait été établie sur la personne et qu'il lui soit apparu que la preuve s'oppose à l'avis de celui qui l'imitait. Une personne suit et imite Zayd parmi les savants. On lui démontre par les preuves du Coran et de la Sunna que Zayd s'est trompé, que cette parole n'est pas juste, car elle s'oppose à tel verset ou elle s'oppose à tel hadith et ainsi de suite. Malgré tout, il l'imite. Donc celui-ci, il est pire que le premier. Car le premier, il a imité avant d'avoir la science, avant de savoir que ce qu'il imitait était contraire à la vérité. Et celui-ci, il a connu la vérité, et malgré cela, il a persisté dans le suivi aveugle en connaissance de cause. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans son noble livre toutes ces formes de taqlid, et ce dans différents passages du Coran. On trouve par exemple, au verset 170 de Surat al-Baqarah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. » Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'avaient pas été dans la bonne direction, ils se sont contentés de suivre leurs ancêtres et ont refusé de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Alors que leurs ancêtres étaient dans l'ignorance, étaient dans l'égarement, étaient sur un mauvais chemin. Et cette ambiguïté, elle est utilisée par nombre de personnes pour rejeter la vérité. Et ceci est une preuve indiquant que ces gens se détournent de la vérité, ne la désirent pas, car celui qui fait prévaloir la recherche de la vérité sur toute chose, lorsqu'on va lui présenter les preuves du Coran et de la Sunna, alors il va les accepter, il va les suivre, car son objectif est d'atteindre la vérité. Contrairement aux fanatiques, qui refuse de suivre la vérité et qui ne cherche qu'à secourir ce sur quoi il est, alors celui-ci se détournera des preuves et ne voudra pas en entendre parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi au verset 23 et 24 de Surat al-Zukhruf: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et avant toi, nous n'avons pas envoyé d'avertisseur en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Il dit alors: et même si je viens à vous avec une meilleure direction, une meilleure voie que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent: nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyé. On voit donc que les polythéistes, ils prenaient comme argument l'imitation de leurs ancêtres. Leurs ancêtres qui eux aussi étaient dans l'égarement. On voit donc que leur objectif n'était pas le suivi de la vérité et le suivi de la bonne voie. Mais ils étaient plutôt fanatisés pour leurs ancêtres. Et ils ne voulaient que secourir le faux sur lequel ils étaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a sévèrement mis en garde contre cela dans de nombreux versets dans le Coran, afin d'attirer notre attention sur le fait que la personne doit toujours faire prévaloir les textes de la révélation au-dessus de la parole de quiconque, et ne faire prévaloir la parole de personne sur les textes du Coran et de la Sunna. Et les grands savants de l'islam ont tous appelé à cela. Les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullah ta'ala, ils ont tous interdit de les imiter. Et ils ont blâmé ceux qui prenaient leurs avis sans argument. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit une parole très éloquente à ce sujet. Il dit l'exemple de celui qui apprend la science sans argument. C'est-à-dire qu'il apprend la science sans chercher à connaître les preuves, sans savoir sur quoi les avis qu'il apprend sont basés. Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit: il est semblable à quelqu'un qui ramasse du bois la nuit et qui porte un fardeau de bois dans lequel se trouve une vipère qui le pique sans qu'il ne s'en rende compte. Méditez sur cette comparaison. Celui qui apprend la science sans chercher à connaître les preuves, qui imite aveuglément, comme ceux qui se fanatisent pour les écoles de jurisprudence. Il va de soi qu'en agissant ainsi, ils suivront inévitablement certains avis qui sont faux et erronés. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il compare ces gens qui apprennent la science sans argument, sans preuve, à quelqu'un qui sort la nuit pour ramasser du bois. Il réunit ces morceaux de bois et les porte, mais au milieu de ceux-ci, étant donné qu'il est dans l'obscurité de la nuit, il se trouvera une vipère qui va le piquer. Il ne l'a pas vu en raison de l'obscurité dans laquelle il se trouve. Et de la même manière, celui qui ne connaît pas les preuves, qui ne recherche pas les preuves, il suivra des avis faux car il est dans l'obscurité de l'ignorance. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, disait à ce sujet: ne m'imite pas, n'imite pas Malik, n'imite pas Thawri, n'imite pas Al-Awza'i, mais puise d'où ils ont puisé. Puise d'où ils ont puisé. Suis de leurs avis ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna, mais ne les imite pas aveuglément. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a fait la différence entre le taqlid, qui est l'imitation, et l'ittiba', qui est le suivi. Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet qu'il a entendu l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dire: le suivi, c'est que l'homme suive ce qui est venu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. C'est cela que tu dois suivre, ce qui est venu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est venu de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Puis il dit, rahimahullah, et après cela, concernant les tabi'in, alors il a le choix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour nous de l'accepter. Mais ce qui vient des tabi'in, ou des imams venus après eux, alors, on acceptera leurs paroles en fonction de leur conformité ou non au texte du Coran et de la Sunna. Ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna est accepté, et ce qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna est rejeté. Et il n'est pas permis d'imiter un savant qui est dans l'erreur en connaissance de cause. Abu Yusuf, qui est le grand élève de Abu Hanifa, rahimahumallahu ta'ala, disait: il n'est permis à personne d'adopter notre parole jusqu'à ce qu'il sache d'où nous l'avons puisée. Jusqu'à ce qu'il sache d'où nous l'avons puisée. C'est-à-dire, il n'est pas permis de nous imiter aveuglément. Mais regardez d'abord si nos paroles sont conformes au texte du Coran et de la Sunna. Al-Haytham ibn Jamil, rahimahullahu ta'ala, a dit: j'ai dit à Malik ibn Anas, l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, ô Aba Abdillah, le kunya de l'imam Malik, il y a chez nous des gens qui ont posé des livres, et l'un d'entre eux dit: un tel nous a rapporté de un tel, de Omar ibn al-Khattab, qu'il a dit ceci et cela. Puis il dit: et un tel nous a rapporté de Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai, un des tabi'in, un disciple de Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, et un tel nous a rapporté de Ibrahim ceci et cela. Puis ensuite, ils suivent la parole de Ibrahim. Alors Malik, rahimahullahu ta'ala, lui dit: et la parole de Omar est authentique pour eux? C'est-à-dire, ils considèrent la parole de Omar comme authentique? Alors Haytham lui a dit: c'est une narration, elle leur est narrée de la même manière qu'est authentifiée pour eux la parole de Ibrahim. C'est-à-dire qu'ils ont les deux narrations qui pour eux sont authentiques. Une parole de Omar et une parole de Ibrahim. Ils suivent la parole de Ibrahim, c'est-à-dire la parole d'un tabi'i, au détriment de la parole d'un compagnon. Alors l'imam Malik rahimahullahu ta'ala a dit: ceux-là, on doit leur demander de se repentir. L'imam Malik rahimahullahu ta'ala a donc clairement dit ici que celui qui délaisse la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le calife bien guidé, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: suivez ma sunna, et la sunna des califes bien guidés après moi. Celui qui délaisse la parole de Omar pour la parole de Ibrahim al-Nakhai, rahimahullahu ta'ala, qui est un des grands savants des tabi'in, on doit lui demander de se repentir. Alors que dire d'une personne qui délaisse la parole d'Allah, délaisse la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour des personnes qui sont d'un rang moindre que celui de Ibrahim rahimahullah ta'ala, comme le font nombre de personnes qui se fanatisent pour leurs chouyours, qui se fanatisent pour leurs imams, et qui, même lorsqu'on leur présente les preuves du Coran et de la Sunna que ces avis sont faux, que ces avis sont contraires au texte, ils les rejettent et font prévaloir la parole de leur cheikh, la parole de leur imam, la parole de leur enseignant, je ne sais quoi. Il n'y a pas de doute qu'en agissant ainsi, ils sont dans l'erreur. C'est pour cela que nos savants ont démontré, dans leurs ouvrages, que le taqlid contient de nombreux méfaits. Et parmi ces méfaits, le fait que celui-ci va conduire à suivre les erreurs et les faux pas des savants. Car le savant, comme on l'a mentionné en début de cours, il est inévitable qu'il fasse des erreurs, car il n'est pas infaillible. Ça, c'est une chose dont on doit absolument avoir conscience. Personne parmi les savants, qui qu'il soit, est infaillible. Il est inévitable qu'il fasse des erreurs. Par conséquent, si tu sais qu'ils ne sont pas infaillibles, alors il n'est pas permis d'accepter de manière absolue toutes les paroles d'un savant. Car celui qui accepte toutes les paroles d'un savant de manière absolue, sans se poser de questions, alors il a placé ce savant au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il considère ses paroles comme émanant de la révélation. Et c'est cela qu'ont blâmé les imams, lorsqu'ils disent de ne pas les imiter, lorsqu'ils disent de ne pas suivre leurs avis sans savoir d'où ils les ont puisés, et qu'ils blâment les partisans de l'imitation aveugle. C'est parce qu'ils savent qu'en agissant ainsi, les gens vont être éprouvés par le suivi des erreurs et des faux pas des gens de science. Et cela est très présent notamment chez les suiveurs fanatiques des madhahib, des écoles de jurisprudence. Ceux qui disent: moi je suis Hanafi, moi je suis Maliki, moi je suis Shafi'i, moi je suis Hanbali. Et ils refusent de sortir des avis de son école. Ils se fanatisent pour ceci. Ils disent: moi je suis Hanbali, je ne prononce que des avis en conformité au madhhab Hanbali. Moi je suis Maliki, je ne sors pas du madhhab Maliki. Tu lui présentes des hadiths, tu l'interroges à ce sujet, il te dit: non mais moi je suis tel madhhab. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose que de son madhhab. Et cela relève du fanatisme. Et si cela est interdit concernant les grands imams de l'islam, alors que dire d'agir ainsi avec un savant ou une personne affiliée à la science parmi les contemporains? Comme on le trouve aujourd'hui chez certaines personnes qui se fanatisent pour leurs chouyours et les défendent même lorsqu'ils prononcent des avis qui s'opposent clairement à la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Comme c'est le cas d'un docteur en sciences qui récemment a soutenu dans une de ses fatwas qu'il était permis de blâmer les gouverneurs publiquement. Et il prétend s'être appuyé en cela sur certains récits rapportés des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il a expliqué d'une manière contraire à l'explication qu'en ont donné les gens de science. Et il n'y a pas de doute que ceci est une erreur, et que cette parole doit être rejetée. Malgré cela, on trouve des personnes parmi ses suiveurs qui vont défendre son avis, et qui refusent de dire qu'il s'est trompé, même s'il prononce des avis isolés, qui s'opposent aux avis des grands savants de l'islam. Ils le défendent et le suivent. Et tout ceci n'est que du pur fanatisme et de l'exagération au sujet des hommes. On a même vu des gens, à notre époque, suivre certaines personnes affiliées à la science dans leur péché, comme c'est le cas de ces gens qui ont suivi un homme qui a diffamé un musulman publiquement dans une mosquée. Et ceci fait partie des grands péchés qui sont explicitement interdits dans le Coran, et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une peine légale, et dont l'auteur est considéré comme fasiq, comme pervers, et dont le témoignage est rejeté. Malgré cela, certaines personnes parmi ses suiveurs, au lieu de rejeter son erreur et d'être une aide pour lui afin de l'aider à se repentir de ce grave péché, ils l'ont défendu et essayé de justifier sa parole. Donc ceci fait partie des méfaits, du taqlid, de l'imitation qui conduit au fanatisme. Que la personne suive un savant, suive une personne de science, suive une personne affiliée à la science, en suivant tous ses avis de manière absolue, qu'il est juste ou qu'il se trompe, sans distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ainsi, ils feront inévitablement des erreurs en religion. Ils rendront licite ce qu'Allah a interdit. Ils interdiront ce qu'Allah a rendu licite. Ils légiféreront ce qu'Allah n'a pas légiféré. Et ainsi de suite. Et ceci est inévitable, car comme on a dit, nul parmi les hommes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est infaillible. Donc, à partir du moment où tu suis une personne qui n'est pas infaillible, il est inévitable que cette personne fasse des erreurs. Donc, si tu la suis de manière absolue, en acceptant tout ce qui provient de cette personne, tu tomberas inévitablement dans certaines erreurs. Thawban radiyallahu ta'ala anhu rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté après moi, ce sont les imams qui égarent. Les imams qui égarent, les savants du mal, ceux qui prononceront des avis contraires au Coran et à la Sunna, mais qui seront imités par les gens. Il n'y a pas de doute que cela conduise les gens à l'égarement. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit: il y a trois choses corruptrices. Les imams qui égarent, comme on a dit les imams du mal, les savants, de l'innovation, des passions qui appellent à l'égarement. Ensuite, il a dit le débat de l'hypocrite avec le Coran, c'est-à-dire un hypocrite qui montre l'islam en apparence, qui apprend le Coran, connaît le tafsir, connaît son explication, et qui débat en se servant du Coran à mauvais escient pour égarer les gens, alors que le Coran est vérité. Mais, de par son parler, il mène les gens à l'égarement. Et la troisième chose qui est corruptrice et qu'a mentionné Omar, radiyallahu ta'ala anhu, c'est le faux pas du savant, l'erreur du savant. Et pourquoi l'erreur du savant est corruptrice? Alors qu'on sait que le savant, celui qui est digne de ce nom, lorsqu'il fait un effort de réflexion sur une question, s'il ajuste, il a deux récompenses. Mais s'il se trompe, son erreur est rejetée, mais il a tout de même une récompense en raison de son effort. Malgré tout, cette erreur est un grand danger pour la communauté. Pourquoi? En raison du taqlid, en raison de l'imitation, en raison de ces gens qui imitent, qui exagèrent au sujet des hommes, qui les sanctifient et qui acceptent toutes leurs paroles dans l'absolu. À cause d'eux, l'erreur du savant est un danger. Car, étant donné qu'ils vont le suivre, ils vont alors être tous dans l'erreur. Et si les gens n'imitaient pas aveuglément les gens de science, alors l'erreur s'arrêterait au savant, Car celui qui sait que le savant s'est trompé et qu'il s'est opposé au texte du Coran et de la Sunna, que son effort de réflexion est erroné, il ne lui est pas permis de le suivre. Et seule l'unanimité des musulmans. Ceci est interdit. Il n'est pas permis de suivre volontairement un savant dans une erreur. Quelle que soit la raison, et ceci est d'autant plus grave si la personne suit le faux pas du savant, car cette erreur correspond à ses désirs et ses passions. Comme c'est le cas de certaines personnes qui recherchent à travers les paroles des savants ce qui les arrange. Il t'interroge sur un sujet religieux, tu lui donnes la réponse, puis il te demande « Est-ce qu'il y a d'autres avis ?» Il ne te demande pas quelle est la preuve. Est-ce que ceci est conforme au texte du Coran et de la Sunna? Non, il te dit, est-ce qu'il y a d'autres avis? Pourquoi? Car cet avis ne l'arrange pas. Cet avis ne correspond pas à ses désirs. Cet avis ne correspond pas à ses passions. Alors il veut savoir s'il y a un avis qui l'arrange, comme le font ceux qui courent après les permissions. Et comme l'ont mentionné les gens de science, celui qui court après les permissions, il s'égarera inévitablement. Il se peut qu'un savant se soit trompé et ait rendu licite certaines formes de musique. Et ceci est une erreur qui est rejetée. Il se peut que certains parmi les savants aient fait un effort de réflexion et aient rendu permis certaines formes de boissons enivrantes, en petite quantité. Et ceci est une erreur qui est rejetée. Il se peut également que certains parmi les gens de science aient rendu licite, suite à un effort de réflexion erroné, certaines formes de transactions usuraires. Il se peut également que certains savants, après un effort de réflexion erroné, et rendu licite le fait de tailler sa barbe ou autre chose semblable. Donc celui qui court après les permissions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher toutes ses permissions et il va se retrouver à écouter de la musique, à boire des boissons enivrantes en petite quantité, à faire des crédits usuraires, à tailler sa barbe et ainsi de suite parmi les méfaits. Il n'y a pas de doute que cet homme-là sera dans l'égarement, car il aura suivi les erreurs des savants. Et médite sur un point très important, c'est le fait que le savant, le premier, qui aura fait un effort de réflexion concernant certaines formes de musique, lui, il n'a pas rendu licite les boissons enivrantes, ni les transactions usuraires, ni le fait de tailler sa barbe. Le deuxième savant qui a rendu licite certaines formes de boissons enivrantes en petite quantité, il n'a pas rendu licite la musique, il n'a pas rendu licite les transactions usuraires, et ainsi de suite. Mais lui, il a tout réuni, tout le mal et toutes les erreurs des gens de science, il les en a réunies et en a fait savoir. Et c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui qui se sont mises en avant dans la prédication via les moyens modernes de communication comme YouTube et autres. Les spécialistes du suivi des permissions et des erreurs des savants. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, disait « Je vous mets en garde » contre le faux pas du savant. Il a alors été interrogé, qu'Allah te fasse miséricorde. Et comment peut-on savoir que le savant prononce une parole d'égarement? Il dit alors, radiyallahu ta'ala anhu, écarte-toi de ces paroles au sujet desquelles les gens vont s'interroger. Ces paroles surprenantes. En effet, lorsqu'on entend par exemple qu'une personne de science aurait rendu licite certains instruments de musique ou certaines boissons enivrantes, on va être surpris, on va s'étonner. Donc ces paroles-là, elles doivent attirer ton attention et te dire « Attention, est-ce que celles-ci sont bien conformes au Coran et à la Sunna ?» Éloigne-toi des paroles isolées. Lorsque tu vois un avis qui est isolé, ceci doit attirer ton attention afin de faire preuve de plus de vérification avant de t'empresser de le suivre. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, a disait « Malheur aux suiveurs des faux pas des savants !» Malheur aux suiveurs des faux pas des savants. Puis il dit, radiyallahu ta'ala anhuma, « Le savant prononce un avis de par sa réflexion. » Puis il entend un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il délaisse ce sur quoi il était. En effet, le savant qui se trompe parmi les savants de la sunna, lorsque lui parvient le hadith, il revient de son avis, il le délaisse. Et les suiveurs, qu'est-ce qu'ils font? Il continue de suivre son erreur. Dans une autre version, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum a dit « Le savant rencontre celui qui est plus savant que lui concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'informe alors, c'est-à-dire il l'informe alors de ce qui contredit son avis. Il revient ensuite de son avis, mais les suiveurs continuent de juger par son erreur, la vie qu'il a prononcée auparavant. Combien de personnes suivent aveuglément des gens de science sans être conscients de cela? Il le suit, il le défend à tout prix, parce que c'est son cheikh, il veut le défendre. Il n'accepte pas qu'on dise que son cheikh se soit trompé. Mais il se peut que demain son cheikh se repente. Il se peut que demain son cheikh revienne à la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de dire que son cheikh avait raison, et que c'est maintenant qu'il est revenu à la vérité qu'il a tort, ou que va-t-il faire? Quoi qu'il en soit, il est important pour nous d'avoir conscience que les gens de science ne sont pas infaillibles, qu'ils font inévitablement des erreurs, et qu'il nous convient, chacun en fonction de ses capacités, de faire des efforts pour atteindre la vérité. Et malgré le blâme du taqlid et les méfaits qu'il comporte et son grand danger, il est important pour nous de savoir qu'il ne nous convient pas de nous isoler et de chercher à apprendre la science en se séparant des savants. Car nous avons besoin des savants pour apprendre la science. Il n'est pas possible pour nous d'apprendre la science sans revenir aux gens de science. Et tu ne dois pas penser que tu peux, de toi-même, te séparer des gens de science et apprendre la religion sans revenir aux savants, sans profiter de leurs cours, sans profiter de leurs avis juridiques, sans profiter de leurs explications. Celui qui fait cela et qui s'isole avec ses livres ou autres, il est en grand danger. Et il est sur une voie qui risque de le mener à l'égarement. Mais comme dans tout domaine, le musulman, il doit emprunter la voie du juste milieu. On profite des gens de science, on profite de leurs avis, on profite de leurs cours, on profite de leurs explications, mais sans se fanatiser pour leurs opinions, et en les considérant à leur juste valeur, et en ayant toujours en tête cette parole immense de l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui disait « De chaque personne nous prenons ou nous rejetons, sauf de celui qui se trouve dans cette tombe », et il visait par cela le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire de chaque savant, nous prenons et nous rejetons. Nous prenons d'eux ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna, et nous rejetons ce qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna. Car ils ne sont pas infaillibles. Mais malgré cela, nous ne devons pas les mépriser et penser que l'on peut se passer d'eux. Nous avons besoin des savants. Nous avons besoin de leur science, de leurs explications. Mais, en même temps, nous devons avoir conscience de cela qu'ils ne sont pas infaillibles et que s'ils se trompent, leurs erreurs doivent être rejetées et il ne nous est pas permis de les suivre dans l'erreur en connaissance de cause. L'éminent cheikh, l'imam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit « Il convient aux croyants d'avoir pour objectif et pour ambition de connaître les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans les questions sujettes à divergence, et de mettre en pratique cela, et de respecter les gens de science, de les révérer, même s'ils se trompent. Toutefois, ils ne doivent pas être pris pour seigneur en dehors d'Allah. » Cette parole immense, elle résume le sujet. L'objectif du croyant, cela doit être la recherche de la vérité. Savoir qu'est-ce qu'Allah a ordonné, qu'est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Les savants ont divergé sur une question. Mon objectif doit être la recherche de ce qui provient d'Allah et de ce qui provient de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que j'ai réussi à atteindre cela, je le mets en pratique, tout en respectant les gens de science, en les révérant, même s'ils se trompent. Si un savant a fait un effort de réflexion, alors qu'il cherchait à atteindre la vérité et qu'il s'est trompé, je ne dois pas le mépriser en raison de cette erreur. Je le respecte, je le révère. Toutefois, en parallèle de cela, je ne le prends pas pour seigneur en dehors d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Le prendre pour seigneur en dehors d'Allah, cela serait d'accepter de manière absolue tout ce qui provient de lui, même s'il s'oppose au Coran et à la Sunna, même s'il rend licite ce qu'Allah a interdit ou qu'il rend illicite ce qu'Allah a permis. Et on a développé ce sujet dans un des chapitres de Kitab al-Tawhid auquel je vous invite à revenir, Inch'Allah ta'ala. Donc en résumé, ce qui nous incombe, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de nos capacités. Celui qui a la science, il n'est pas comme celui qui est ignorant. Celui qui est ignorant, il n'y a pas de doute que ce qui lui incombe, c'est d'interroger les gens de science. Il interroge celui en qui il a confiance concernant sa piété et sa science, et il met en pratique ce que la personne de science lui aura indiqué. Mais celui qui a la science et qui a les capacités d'aller plus loin et d'analyser et d'observer les paroles des gens de science, alors il ne lui est pas permis d'imiter aveuglément les gens de science. Chacun fait donc des efforts en fonction de ses capacités pour connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et ce au sujet de quoi tu n'as aucune connaissance, alors tu interroges à ce sujet les gens de science. Et il ne t'est pas demandé de suivre une personne en particulier parmi les gens de science de manière absolue, car ceci reviendrait à mettre cette personne au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé à ses serviteurs d'imiter qui ils veulent parmi les savants, ou de choisir qui ils veulent parmi les hommes, et de considérer ses paroles comme de la révélation. Car ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa miséricorde, et cela conduirait à la perte de la religion, au délaissement du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et telle est la situation dans laquelle se trouvent nombre de personnes parmi ceux qui se sont fanatisés pour les hommes ou pour les écoles de jurisprudence, et ainsi de suite parmi les différentes formes de fanatisme desquelles on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc tout ceci concerne le suivi des hommes parmi les grands imams de l'islam. Que dire alors, comme on l'a mentionné, de ceux qui suivent aveuglément un homme parmi les vivants qui n'a même pas atteint le rang de ses savants et qui défendent tous ses avis, qui le suivent même si ses avis s'opposent à l'ensemble des grands savants de la communauté, même si ses avis sont isolés, même s'ils ne savent pas sur quoi il s'est basé pour prononcer ses avis. Il l'imite dans le faux, s'oppose à la voix des gens de science, comme si ses paroles émanaient de la révélation. Il n'y a pas de doute que cette manière d'agir s'oppose à la manière vers laquelle nous ont orienté les grands imams de l'islam depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours. On a donc terminé avec ce fondement, et on verra dans le cours de demain le quatrième et dernier fondement qui concerne l'importance de savoir d'où prendre la science et la religion. On verra donc cela dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.